إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى قراءتنا في كتابنا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى بفوائد التقوى. Nous continuons بإذن الله تبارك وتعالى la lecture du livre du noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, intitulé « Les mérites et profits découlant de la taqwa, de la piété ». Nous sommes arrivés à la faïda numéro 4. L'auteur nous dit rahimahullah « Al-faïdatu al-rabi'a, anna biha ma'a al-iman tunalu al-mathoubatu min Allah. » قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة الآية الثالثة بعد المئة. Il nous dit رحمه الله. Quant au quatrième des profits et mérites découlant de la taqwa, il est que c'est avec la taqwa, la piété, réunie de la foi, que l'on obtient la récompense d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Et s'ils auraient cru et vécu en piété, alors une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela après avoir cité quelques versets auparavant une autre des transgressions de Bani Israël, de certains enfants d'Israël. Et cela en nous disant subhanahu wa ta'ala à leur sujet, d'après l'essence du verset. Et lorsque leur fut venu un messager de la part d'Allah, ce qui est voulu aussi par le messager et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque leur fut venu un messager de la part d'Allah, confirmant ce qu'ils avaient déjà avec eux, alors certains de ceux à qui le livre fut donné, jetèrent le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que lorsque fut venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux gens du livre, avec ce qui vient confirmer ce qu'ils avaient déjà dans leur livre, et qu'ils n'avaient donc aucune excuse pour mécroire et rejeter ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que malgré cela, ils ont mécru et délaissé la vérité avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une vérité en laquelle ils prétendaient croire à travers leur livre. Et en faisant cela, en délaissant ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui vient confirmer ce qu'ils avaient déjà dans leur livre, ils ont par la même occasion mécru en leur propre livre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils jetèrent le livre d'Allah derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Ce qui est voulu ici par le livre d'Allah, comme le citent les savants du tafsir et la Torah. Donc en délaissant ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont par la même occasion mécru en leur propre livre. Et après cela, c'est-à-dire après avoir délaissé la vérité avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, c'est-à-dire le livre de sorcellerie. Le noble cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit comme explication de ce verset. Il nous dit, rahimahullah, et il fait partie des règles décrétées et de la sagesse divine que quiconque délaisse ce qui lui est profitable, alors qu'il en a la capacité, sera éprouvé par le fait de se préoccuper par ce qui va lui nuire. Et donc, celui qui délaisse l'adoration de tout miséricordieux, Ar-Rahman, sera éprouvé par l'adoration de fausses divinités. Et celui qui délaisse l'amour d'Allah, sa peur et son espoir, sera éprouvé par le fait de placer son amour, ses peurs et ses espoirs en autre qu'Allah. Et celui qui ne dépense pas ses biens dans l'obéissance à Allah, sera éprouvé par le fait de le dépenser dans l'obéissance à Satan, à Shaytan. Et celui qui délaisse la soumission et le rabaissement pour son Seigneur, sera éprouvé par le fait de se soumettre et se rabaisser pour les créatures. Et quiconque délaisse le vrai sera éprouvé par le faux. Comme Allah nous le montre à travers ce récit, lorsqu'une partie des juifs ont délaissé et jeté ce qui se trouvait dans leur livre, alors ils ont suivi les démons et ceux avec quoi ils sont venus comme sorcellerie, en prétendant que cela provient du règne de Suleyman. Donc, le mérite que l'auteur nous cite ici, rahimahullah, est que par la taqwa, la piété, lorsqu'elle est accompagnée de foi, alors le serviteur obtient par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, al-fa'idatul khamisa, anna al-birra al-haqiqiyya ma sadar an al-taqwa. Qala ta'ala, walakinna al-birra man al-taqwa. Surah al-Baqara, al-ayatu al-tasi'atu wa-thamanuna ba'da al-miya. Il nous dit, quant au cinquième des profits et mérites découlant de la taqwa, de la piété, il est que la véritable bienfaisance est celle qui repose sur la taqwa, sur la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset. Et ce n'est pas la bienfaisance que d'entrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la véritable bienfaisance consiste à être pur. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cela, car une partie du peuple des Arabes avait pour habitude, lorsqu'ils étaient en état de sacralisation, donc prêts à accomplir le pèlerinage, de ne pas entrer les maisons par leurs portes, en voulant par cela accomplir un acte d'adoration, en voulant par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en pensant que cela fait partie du birr, de la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala a donc informé dans ce verset que cela ne faisait pas partie de la bienfaisance. Cela, car cela n'est pas un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il leur a ordonné d'entrer les maisons de par leurs portes. Et il leur a informé que la véritable des bienfaisances réside dans la piété, en disant subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Mais certes, la réelle bienfaisance réside dans la piété, dans celui qui craint. Et ce verset nous montre que quiconque cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui à travers un acte qui n'a pas été légiféré, alors cela ne sera pas considéré comme de la bienfaisance, comme du birr. Et cela, même si son auteur pense à travers cela faire partie des bienfaisants. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, al-fa'idatu sadisa, anna bit-taqwa tunalu ma'iyatullahi al-khassa. Qala ta'ala, wa'alamu anna allaha ma'al muttaqin. Surat al-Baqara, al-ayatu al-rabi'atu wa tis'una ba'da al-miyah. Il nous dit, rahimahullah, quant au sixième des profits et mérites découlant de la taqwa, il est que par la taqwa, par la piété, le serviteur obtient la compagnie particulière d'Allah. Allah nous dit, d'après le sens du verset, « Et sachez qu'Allah est avec les pieux. » Allah est avec les pieux, c'est-à-dire qu'il est avec eux de par son aide, son secours et son assistance. Les pieux ont donc, en récompense de leur piété, de leur taqwa, droit à une aide particulière, un secours et une assistance particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous citons ici la compagnie particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la compagnie d'Allah quant à ses créatures, dans le Coran, comme nous le citent les gens de science, rahimahumullah, aide de type. Quant au premier type, il est appelé al-ma'iyatu al-amma, la compagnie générale. C'est-à-dire, de ce point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toutes ses créatures, de par sa science. Il sait ce qu'ils font, il voit ce qu'ils font, et il entend ce qu'ils font subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, d'après l'essence du verset, « وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ » Et il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire de par sa science. Tout cela en étant subhanahu wa ta'ala établi sur son trône d'une manière qui sied à sa perfection. Comme il nous le dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, « Et le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. » Quant à la deuxième des compagnies, elle est appelée « Al-Ma'iyatul Khassa » la compagnie particulière. Et c'est celle-ci qui est voulue par l'auteur rahimahullah lorsqu'il nous dit que parmi les profits et mérites de la piété et que la personne pieuse obtient la compagnie particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en plus d'être avec son serviteur de par sa science, il est avec lui subhanahu wa ta'ala de par son aide, son secours et son assistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsqu'il dit à son compagnon, en parlant de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, ne sois pas attristé, car certes, Allah est avec nous. Donc c'est-à-dire qu'il est avec eux subhanahu wa ta'ala de par son aide, son secours et son assistance. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, الفائدة السابعة أنها سبب للأمن من عقاب الله قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سورة البقرة الآية 96 بعد المئة Il nous dit رحمه الله Quant au septième des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une cause pour être préservée du châtiment d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Craignez Allah, c'est-à-dire par l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits, ce qui est le sens même de la taqwa, de la piété. Et sachez qu'il est dur en punition, c'est-à-dire envers celui qui lui désobéit, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu thamina, annaha khayru zadin. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة الآية 97 بعد المئة Il nous dit رحمه الله Quant au huitième des profits et mérites découlant de la taqwa, de la piété, il est qu'elle est la meilleure des provisions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset Approvisionnez-vous, et certes la meilleure des provisions est la taqwa, la piété. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les pèlerins de s'approvisionner pour leur voyage. Car dans cela, il y a un moyen de se passer des créatures et de ne pas convoiter leurs biens ou être dans le besoin de leur demander une aide quelconque. Comme il y a dans cela un moyen de se rapprocher du Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il nous dit, et certes, la meilleure des provisions est la taqwa, la piété. Cela, car la piété a un profit qui perdure dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et c'est cette provision qui permettra aux croyants d'atteindre les demeures de délices, d'atteindre les demeures des délices et de vivre les délices éternelles. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu at-tasi'a. Anna al-muttasifina biha fawqa an-nasi yawm al-qiyamah. Qala ta'ala, wal-ladhina attaqaw fawqahum yawm al-qiyamah. سورة البقرة الآية 12 بعد المئة Il nous dit, rahimahullah, quant au neuvième des profits et mérites découlant de la taqwa, de la piété, il est que ceux qui ont pour caractéristique la taqwa, la piété, donc les pieux, seront au-dessus des gens yawm al-qiyamah, le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset. Et ceux qui ont craint, ceux qui ont été pieux, seront au-dessus d'eux yawm al-qiyamah. C'est-à-dire qu'ils seront au-dessus des mécréants. Al-Imam Abdurrahman ibn Nas al-Sa'di rahimahullah nous dit, en explication de ce verset, Allah nous informe à propos de ceux qui ont mécru en Allah, en ses signes et en ses messagers, qu'il leur a été enjolivé la vie d'ici-bas, à leurs yeux et dans leur cœur. Ils l'ont donc agréé et se sont sentis apaisés quant à elle. Et elle est devenue leur seule passion et désir, pour lesquels ils consacrent toutes leurs œuvres. Ils ont donc accouru vers elle, et se sont adonnés à tout ce qui permet de l'obtenir. Et ils ont émancipé et honoré toute personne semblable à eux dans cela. Et ils ont méprisé et se sont moqués des croyants, en disant « Est-ce donc cela à qui Allah a fait grâce de parmi nous ?» Et cela fait partie de leur faiblesse d'esprit et de leur courte vision des choses. Car certes, ce bas monde est la demeure des épreuves et la demeure d'examen. Et certes, l'importance, toute l'importance et la réelle manière de voir qui a été préféré à autre se fait dans l'au-delà, dans la demeure éternelle. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Et ceux qui ont été pieux seront au-dessus d'eux yawm al-qiyamah. » Intaha kalamuhu rahimahullah. Ensuite, l'auteur nous dit rahimahullah « Al-fa'ilatul ashira » أنها سبب لزيادة العلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين. Il nous dit, rahimahullah, quant au dixième des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une cause d'augmentation de la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'après l'essence du verset, et craignez Allah et Allah vous enseignera. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, alors il vous accordera un discernement. Surat al-Anfal, الآيات التاسعة والعشرون. Ensuite, il nous dit, رحمه الله, الفائدة الحادية عشرة أن ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى, قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. سورة آل عمران الآية الخامسة عشر. Il nous dit, quant au onzième des profits et mérites découlant de la piété, il est que les muttaqin, les pieux, ont pour récompense des jardins sous lesquels coulent les rivières. Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'après le sens du verset, dit, voulez-vous que je vous informe ce qui est meilleur que cela? Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite cela après avoir cité ce qui a été enjolivé aux gens dans ce bas monde, comme délices, plaisirs et biens. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dit, voulez-vous que je vous informe ce qui est meilleur que cela? Les pieux auront auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement, et des épouses pures et un agrément venant d'Allah. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah, al-fa'idatu thaniyata ashara. أن بها تنال محبة الله قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين سورة آل عمران الآية السادسة والسبعون Il nous dit, quant au douzième des profits et mérites découlant de la piété, il est que par la piété, le serviteur obtient l'amour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, non, mais quiconque tient son engagement et craint, alors certes, Allah aime les pieux. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs pieux sera en fonction du degré de piété de la personne. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Al-fa'idatu thalithata ashara annaha min asbabil himayati min al-adu. Qala ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Sourate Ali Imran, Il nous dit, rahimahullah, quant au treizième des profits et mérites découlant de la piété, il est que la piété fait partie des causes permettant de se protéger de l'ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et si vous endurez et êtes pieux, alors leur ruse ne vous nuira en rien. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit, en explication de ce verset, c'est-à-dire que si vous accomplissez les causes par lesquelles Allah vous a promis son secours, qui sont la patience et la piété, alors leur ruse ne vous nuira en rien. Et alors Allah fera au contraire qu'elle sera retournée contre eux, car certes il les cerne de par sa science et sa puissance. Intaha kalamuhu rahimahullah. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de profiter de ce qui a été lu et de nous faire partie des serviteurs qui écoutent la parole et en tirent le meilleur des profits. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.